Nyangi. Mercredi 9 janvier, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce rendez-vous d'information. Voici les grands titres. Suivi du dossier boissons prohibées, ce mercredi, le ministère du Commerce s'exprime. Son porte-parole affirme qu'il y a des unités de transformation de jus travaillant en dehors des normes. Vous l'entendrez en début de ce journal. Les fournisseurs de plants fruitiers réclamant les arriérés depuis 2011 vont bientôt être régularisés. La promesse est de l'ombudsman burundais ce mercredi lors d'une rencontre avec ses fournisseurs. Les habitants de la commune Nyarusange en province Gitega demandent la réhabilitation du pont reliant cette commune à celle d'Obisoro en province Mwaro. Les détails c'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgiman. La radio de l'avenir. Parlons commerce. Pour débuter ce journal, le ministère du Commerce affirme qu'il y a des unités de transformation de jus qui travaillent en dehors des normes et que cela peut même nuire à la santé de la population. La porte-parole du ministère le dit après l'expiration d'un délai de 3 mois qui avait été donné le 25 septembre 2018 pour que les fabricants de ces jus se conforment à la loi, à défaut de quoi ils allaient fermer. Cela n'a pas été le cas. Un autre délai d'un mois leur a été donné selon Glorieuse Nhiwarutaye, qui dit qu'une équipe d'inspecteurs du commerce en compagnie du directeur du Bureau burundais de normalisation de BBN a effectué une visite sur terrain ces derniers jours. Là aussi, ils ont trouvé que pas mal de ces fabricants ne se sont pas conformés. Suivez-la au téléphone avec Léonce Vitali. Ils ont trouvé vraiment qu'ils ne se sont pas bien conformés à la loi. Et c'est au cours de ce mois-là qu'ils ont été avertis et que le ministère du Commerce va procéder à la fermeture de ces entreprises qui ne se sont pas effectivement conformées à la loi. Est-ce que vous pouvez préciser la date de fermeture de ceux qui ne se conformaient pas? La date de fermeture n'est pas précisée aujourd'hui, mais vous la saurez ce jour-ci. Et en attendant, vous êtes au courant qu'ils continuent à travailler sans respecter les normes? Pour le moment, ils continuent à travailler, mais vous savez que dans l'émission du ministère, nous en avons une qui concerne l'encadrement des opérateurs économiques. On doit les accompagner parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment qu'ils doivent se conformer à la loi. Vous savez que nous organisons souvent des ateliers de sensibilisation sur les lois et règlements régissant le commerce. Mais il y en a qui font aussi sourde oreille. Mais je vous dis que ce mois-ci, ceux qui ne se sont pas conformés à la loi, on va procéder à la fermeture de leurs entreprises. Mais justement, en attendant, la santé de la population risque d'être touchée. Bon, il y a des entreprises qui ont décidé de collaborer avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Pour cela, on continue à faire l'encadrement. Mais il y en a qui ne nous sont pas connus. C'est pourquoi on interpelle la population et l'administration locale de les dénoncer afin que le ministère du Commerce les traduise en justice. Glorieuse Nhiwarutaye, porte-parole du ministère burundais du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Je vous l'annonçais en titre. L'ombudsman burundais tranquillise les fournisseurs de jeunes plants fruitiers qui réclament les arriérés depuis 2011 que le ministère des Finances va les régulariser dans les jours à venir. L'ombudsman Edouard Ndouimana l'a dit ce mercredi au cours d'une rencontre avec ses fournisseurs de plants fruitiers qui réclament plus d'1,7 milliard de francs burundais. Suivez plutôt Edouard Ndouimana, ombudsman burundais, dont les propos ont été recueillis par Evariste Nzikobanyang. Dès que le dossier a été porté à notre connaissance, nous avons essayé de faire beaucoup de travail de médiation à tel point que les fournisseurs des arbres fruitiers ont accepté de renoncer à la moitié du montant dont ils réclamaient à l'État. Parce que nous avons constaté lors de l'analyse qu'il y a une certaine responsabilité des fonctionnaires de l'État dans l'octroi de ce marché de fourniture des arbres fruitiers. Nous avons alors constaté que la responsabilité doit être partagée entre ces fonctionnaires de l'État et les fournisseurs des arbres fruitiers. Et lors de la médiation, il s'est avéré que l'État accepte de payer la moitié du montant réclamé, mais aussi remercier l'État pour avoir appuyé notre médiation en acceptant aussi de payer la moitié de ce montant aux fournisseurs. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, et nous voulons que ce dossier soit finalement clôturé et transmis au ministre en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, parce que c'est lui le maître de l'ouvrage, et qui à son tour on va demander au ministre chargé des Finances de débloquer le montant dû, c'est-à-dire un montant d'1 milliard 737 millions 730 250 250 francs, lequel montant résulte de la déduction du montant déjà perçu par les fournisseurs, parce que après notre médiation, je crois qu'il y a 3 ans, 4 ans, les fournisseurs de ces arbres fruitiers avaient déjà reçu un montant de 723 millions 178 700 francs. Aujourd'hui, nous avons voulu justement clôturer ce dossier en informant l'opinion, en informant surtout les fournisseurs de ces arbres fruitiers. Nous voudrions ici vous dire que dès demain ou après-demain, votre futur interlocuteur sera le ministre des Finances. Et j'apprends que vous avez déjà reçu, ce qui est déjà une bonne chose, et vous allez discuter des modalités et de déblocage de ce montant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation de ce journal à 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro. Les étudiants nouvellement admis à l'université du Burundi ne sont pas autorisés à changer de filière pour cette année académique 2018-2019. Une annonce faite ce mercredi par le recteur de cette institution universitaire, professeur François Havialimana, qui déclare également que les listes d'orientation sont déjà disponibles. Il appelle les concernés à consulter ces listes pour que quiconque ne se retrouve pas puisse faire des réclamations dans les meilleurs délais. Suivez le recteur de l'Université du Burundi, François Havialimana. Nous portons à la connaissance de ces futurs étudiants qu'il s'agit d'une orientation définitive et que par conséquent, on ne va pas recevoir des lettres de recours. L'exception sera faite pour celui qui, par erreur, n'aurait pas été orienté alors qu'il s'est fait inscrire et qui remplit les conditions exigées, c'est-à-dire avoir au moins 54%. Une autre précision est que ces orientations et recours sont déjà affichés au campus Lohero à la direction des services académiques. Nous allons également les afficher cet après-midi au campus Zégué à Gitega. Nous invitons alors ces futurs étudiants à se préparer car la rentrée académique 2018-2019 est proche. François Havialimana, recteur de l'Université du Burundi, qui s'exprimait ce mercredi en conférence de presse. Les enseignants bénévoles de l'école fondamentale de Gahoise en commune Manda de la province Bubanza ont refusé de donner les résultats du premier trimestre jusqu'aujourd'hui. Ils réclament leur prime d'encouragement selon les responsables scolaires. Le gouverneur de cette province ainsi que le directeur provincial de l'enseignement demandent que ces résultats soient proclamés afin que les élèves ne soient pas victimes. Le directeur communal de l'enseignement, quant à lui, tranquillise et précise que la question sera bientôt vidée. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. Ce problème des enseignants bénévoles qui ont refusé de donner les résultats du premier trimestre à l'école fondamentale de Gahoisi dans la commune de Manda a été également évoqué au cours d'une réunion de sécurité tenue à Moussegni dans cette même commune. C'était ce mardi. Le directeur communal de l'enseignement fait savoir les raisons qui sont à la base de ce mécontentement des enseignants bénévoles. Ils n'ont pas pu percevoir leur prime d'encouragement. Certains enseignants qui ont collecté cet argent n'auront pas remis à la direction, selon Eri Mugisha, directeur communal de l'enseignement à Manda. De plus, les parents ne donnaient plus, comme il faut, ces primes. Très peu d'enfants ont pu payer au premier trimestre, selon le même responsable scolaire. Il précise cependant que les enseignants qui ont collecté cet argent ont accepté de le remettre à la direction et ils ont encouru des sanctions administratives. Le directeur communal de l'enseignement dit également que la question sera bientôt résolue et que ces enseignants bénévoles vont être rétablis dans leurs droits. C'est au moment où le gouverneur de Bubanza ainsi que le directeur provincial de l'enseignement déplorent le comportement des enseignants bénévoles et demandent que ces résultats soient proclamés et que les élèves ne devraient pas en être victimes. Même sur d'autres écoles, on y rencontre des lamentations des enseignants bénévoles et vacataires. Soit qu'ils ne sont pas payés, soit qu'ils sont mal payés. Les parents demandent à l'État d'engager des enseignants afin que ces problèmes d'enseignants bénévoles et vacataires soient résolus. De Bouanza, rendons-nous en province Chibito, qui est en page sécurité où le corps d'un nommé Mawenimana Naftal a été retrouvé le soir de ce mardi, suspendu sur une corde à la colline Mukoma de la commune Mabayi dans cette province. Dans sa famille, on précise qu'il avait passé la soirée en famille. Il demande que les circonstances de sa mort soient élucidées. La police dans cette commune fait savoir que les enquêtes sont en cours. Toujours en page sécurité, mais cette fois c'est en province Rumonge. Deux personnes habitant la ville de Rumonge sont retenues au cachot de la police de Rumonge depuis ce dimanche. La police les accuse d'avoir délivré de fausses lettres d'affectation à deux personnes demandeurs d'emploi à deux écoles fondamentales de la direction provinciale de l'éducation de la formation technique et professionnelle de Rumonge. Et cela après imitation du sceau et de la signature du responsable de cette direction au niveau de la police à Rumonge. On indique que des enquêtes sont en cours afin que le coupable soit puni conformément à la loi. Je vous l'avais annoncé en titre, le pont reliant la commune Nyarusange de la province Gitega à la commune Bissolo de la province Moaro est en très mauvais état. Conséquence, les véhicules ne passent plus sur ce pont. L'administrateur de Nyarusange dit que l'état médiocre de ce pont occasionne un certain manque à gagner au niveau des recettes communales. Même la population de la dite commune parle de pertes consécutives à l'état de ce pont. Les précisions de Gérard Nibikira. Ce pont avait été réhabilité à l'an 2005. Cependant, 5 ans après, certaines de ses poutres et colonnes se sont courbées, comme l'indiquent les populations environnantes. L'administrateur de la commune Nyarusange, Ferdinand Murikine, explique que lorsque ce pont était encore en bon état, les véhicules de toutes les tailles passaient sur ce pont, transportant des marchandises variées. Même les bus de l'Otraco, office de transport en commun, se rendaient à Nyarusange. Il conclut alors que la commune est en tiré profit au niveau des recettes, car des taxes étaient perçues sur différentes marchandises. Il souligne cependant que ce n'est plus le cas maintenant. Les habitants de Nyarusange se souviennent du trafic qui s'observait dans leur commune quand le pont était encore en bon état et disent que leur petit commerce avait une clientèle un peu satisfaisante. Je rappelle aussi deux bus de l'Otraco qui occupent bien Nyarusange. Et alors, il réclame la réhabilitation du pont et de la route joignant la commune Nyarusange et la commune Bissolo de la province de Moaro. L'administrateur Ferdinand Murikine ne fixe pas les délais, mais il reste confiant que le pont sera réhabilité. Cela parce qu'il a déjà transmis ce cas au cabinet du gouverneur de la province de Gitega à Justine. Depuis Gitega, Jean Nidia pour la radio Isanganiro. Quittons la province Gitega pour nous rendre en province Ngozi, c'est au nord du Burundi, où il y aura aménagement pour la première fois au Burundi d'un terrain de rallye des véhicules, un terrain qui sera érigé à Viego en commune et province Ngozi. Une équipe technique chargée de la délimitation et du dédommagement de ceux qui ont déjà construit ou payé la totalité des frais de viabilisation est déjà mise en place, comme l'annonce Melchiade Maniragaba, chef d'antenne régionale de l'urbanisme et de l'habitat. Les précisions d'Apollinaire Muzagar. Les bénéficiaires des parcelles 6 dans cet espace destiné au rallye n'ont plus le droit d'exploiter leurs parcelles. Selon le chef d'antenne nord de l'urbanisme et de l'habitat, ceux qui n'ont pas encore payé les frais de viabilisation n'ont rien à demander. Ces parcelles leur seront retirées, annonce ingénieur Mekiade Maniragaba. Il ajoute que pour ceux ayant déjà payé ces frais et ceux qui ont déjà construit des maisons dans cet espace, une équipe technique en provenance de Bujumbura effectuera bientôt une descente sur terrain en vue de statuer sur SEC. Cette équipe se penchera aussi sur la délimitation de cet espace car, renchérit-il, en plus de ce terrain de course, des espaces destinés aux tribunes de part et d'autre sont aussi prévus. Certains habitants d'Ngozi contactés saluent cette mesure, parlant d'enjeux qui rassemblent une foule immense et qui procurent de l'argent à la province, notamment aux hôteliers et autres. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle quelques titres. Suivi du dossier boissons prohibées, ce mercredi, le ministère du Commerce s'est exprimé Le porte-parole de ce ministère affirme qu'il y a des unités de transformation de jus travaillant en dehors des normes. Glorieuse Nibaloutaye dit qu'une équipe d'inspecteurs de commerce en compagnie du directeur du BBN a effectué une visite sur terrain ces derniers jours. Là aussi, ils ont trouvé que pas mal de fabricants ne se sont pas conformés. Et les fournisseurs de plants fruitiers réclamant les arriérés depuis 2011 vont bientôt être régularisés. La promesse est de l'ombudsman burundais ce mercredi lors d'une rencontre avec ses fournisseurs. Et les habitants de la commune Nyarusange en province de Gitega demandent la réhabilitation du pont reliant cette commune à celle de Bissoro en province Mwaro. Merci donc à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive et merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Alphonse Koubguimana qui assurait la mise en onde de jeudi. Merci. Un excellent après-midi à tous et à tous. Au revoir.